Eh bien, bonsoir aux très nombreuses personnes qui sont venues, les très curieux, mais ils ne le regretteront pas, et ceux qui ne sont pas venus le regretteront éternellement. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir... On n'a pas su qu'il était là, si j'avais su ma caniche. Donc Daniel Villanova qui vient de Montpellier. Alors, Daniel Villanova, on le connaît, est un compagnon de route du Serra depuis très très longtemps. C'est aussi, on peut le qualifier d'anarchiste, je pense que tu n'as pas peur du qualificatif. Pas du tout. Mais par contre, il a une célébrité, surtout dans le département de l'Hérault. Il est un écrivain, humoriste. Et donc, on va discuter différentes facettes de ce qu'il fait et ce qui provoque le succès dans le département, puisqu'il joue dans des salles où ça peut atteindre 1500 personnes. Oui, disons dans le Languedoc. Dans la partie Languedoc. L'Aude, un peu, le Gard. Aveyron, Lozère, Gard, Vaucluse. Quelques routes. Donc, passer le Rhône, c'est plus difficile. Il y a quelques années, elle était venue au Vieux-Port, il n'y avait pas des foules. Et aujourd'hui, un peu comme ici. C'était à peu près le même nombre. Mais bon, le théâtre, c'est le contraire des élections, c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité. Donc, et là, elle y est. Tout va bien. Voilà. Donc, Daniel, depuis des... Après, là, il vous racontera un peu sa carrière, mais je crois qu'il a commencé à Paris, puis après, il a fait cette carrière sur les Raux, et donc, il a inventé un village qui s'appelle Bourougnan. Et ce village, il y a tous les types humains, donc, il a présenté les habitants de Bourougnan. Et enfin, c'est très humain hein, aussi, et ces spectacles ont été ont donné des livres, et donc on a l'éditeur, on pourra discuter avec l'éditeur, qui s'appelle Jackie, qui a édité la plupart des textes de Daniel, dont le dernier, la trilogie de Jean-Charles, et bon, ça tu dois dire aussi quelques mots, parce que c'est assez rigolo. Et puis, Daniel fait une émission de radio tous les matins. Donc ça, si vous ne le voyez pas passer à la radio, vous pouvez toujours écouter. C'est sur le site, c'est Radio France Bleu Hérault, je fais de la pub. Donc ça s'appelle Ça, c'est Villanova. Et tous les matins, il fait une petite chronique parce que c'est aussi un amoureux des langues, et notamment de la langue occitane. Donc c'est, cette émission, c'est chercher les mots qui sont passés de l'occitan et qui sont dans la langue du français de l'Hérault. Et bon, c'est passionnant parce que... Je pense que tu dois avoir un certain nombre de dictionnaires chez toi, parce que chaque fois il y a l'étymologie et tout, c'est assez impressionnant. Et puis tu t'intéresses à l'espagnol aussi, bien sûr, au fragnol, puisqu'il y a un personnage qui parle ni français ni espagnol, qui parle ce qu'on appelle. Il est arrivé en France en 58, et il ne parlait pas un mot de français. Et maintenant, regarde. Je parle parfaitement et tout le monde me comprend. Je vais à l'Ursaf, je vais à la Mutuelle, je vais même à, comment ça s'appelle, al Crédit Agricole, que pourtant ils sont pas des Mumieras, et même là ils me comprennent. Je vais te dire le meilleur, l'autre fois je suis chez le Banco de Crédit Espagnol, et non, que ne disent pas croire que je suis espagnol. Donc, voilà, donc peut-être. José Navarro. Ouais, c'est José Navarro. Après, il y a des personnages, enfin, après, c'est se moquer aussi des autres, des voisins. Donc, il y a un personnage de Sétois, un mec de l'Aude aussi, qui appelle, qui a au moins 100 ans, puis qui appelle à la radio. 103 ans, 103 ans. Ouais. Et il appelle régulièrement. Il appelle régulièrement, il ne se rappelle jamais de ce qu'il va dire, quoi. Ouais. Oui, 103 ans, je fais 103 ans, parce qu'il raconte. J'ai eu 103 ans de mon propre. J'ai commencé à tout mélanger. Finalement, il appelle pour un mot, j'appelle pour un mot, et puis à la fin, il sait plus. Je vous rappellerai. Dans les spectacles, il y a quand même des allusions au moment des élections. Il y avait quand même pas mal de choses au moment des élections de Sarkozy. Puis après, il y a aussi sur la lutte contre le gaz de schiste. C'est la trilogie de Jean-Charles. Parce qu'en fait, on présente la trilogie de Jean-Charles. Alors, la trilogie de Jean-Charles. Donc, dans les spectacles de Daniel, ce sont les trois textes les plus polémistes, on dira, ou les plus anarchistes. Donc, qui sont. Dans la trilogie de Jean-Charles, il y a Jean-Charles Président, donc, qui a été le texte que Daniel a écrit, le pamphlet contre Sarkozy. Contre Sarkozy, qui a mis l'élection 2012. Voilà. C'était en 2012, oui. Il était déjà en place d'édition. Donc, ça, c'est le livre qui a mis le feu aux poudres. pour ainsi dire. Et maintenant, j'ai mis le feu en poudre que j'ai été déprogrammé d'un festival d'humour. Et puis alors, on a à réserve quelques mails de... Quelques quoi ? Quelques courriels de fans de Daniel qui étaient offusqués parce que de la politique. Voilà. Ben parce que bon, j'en ai toujours fait hein, dans mes textes tous. Hein. Oui, mais et là c'était vraiment un pamphlet quoi. Ce texte est vraiment un pamphlet. C'est-à-dire il m'a été inspiré par le fait que je voyais arriver ces élections, je m'étais rongé les sangs pendant 5 ans à observer leur turpitude, et puis tout d'un coup, on parlait de plus rien. C'était comme si ces gens qui avaient pendant 5 ans fait n'importe quoi étaient tout blancs, on oubliait tout. Donc je me suis dit, c'est pas possible d'arriver au moment des élections sans se rappeler de tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Comme si on avait un petit peu du typex sur ces 5 ans-là. Je trouvais, moi. Et donc je leur ai rappelé ce qu'avaient été ces 5 ans. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ma foi, comme disait Rousseau, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. Donc, voilà. C'est plus fort. Pour les courriels qu'on a reçus. Alors, on publiera peut-être. Excusez-moi pour rebondir sur ce que tu dis, puisque tu parles de ces courriels, qui n'ont pas été non plus. Il n'y en a pas eu 50 000, hein, mais bon, il y en a qui ont mal vécu la chose. Surtout que Sarkozy a perdu, donc du coup, ça m'a retombé dessus. C'est ta faute. Moi, j'ai été pour très peu de choses. Il y en a un qui dit carrément, et cet imbécile de Jean-Charles, c'est-à-dire, il a vraiment vécu ça comme un vrai personnage. Comme si le personnage était quelqu'un de réel. Cet imbécile de Jean-Charles, il n'a pas dit cet imbécile de Villandru, de Jean-Charles, donc ça m'a flatté, parce que vraiment, lui, le personnage, en pleine figure. Après, il y a aussi des gens qui t'écoutaient, puis qui disent quand même pas du bien du maire de Béziers aussi. Oui, bien sûr. Oh, pourquoi vous dites ça, M. Villanova ? Vous l'aimez pas, non, le maire de Béziers ? Non, jamais. Je ne crois pas qu'on mange ensemble. Alors, il y a une espèce de... Bon, parce que... c'est-à-dire que dans les spectacles que j'ai fait depuis donc 84 maintenant, où je suis seul, parce que j'ai débuté, comme tu l'as dit, à Paris, dans des compagnies parisiennes où j'ai joué... j'ai eu des rôles dans Mère au courage de Bertolt Brecht, des pièces du Marquis de Sade, des pièces d'Émile Zola, etc. Et en 1984, j'ai débuté tout seul en commençant à créer cet univers-là. Et dans cet univers-là, au début, il y a toujours eu, ma tactique, c'était un petit peu de... disons de mettre au premier plan l'observation humaine des personnages de façon humoristique, mais de temps en temps de ce que j'appelais moi le comique, l'humour comico-maquisard, c'est-à-dire ne pas affronter de front presque manu militari la question, mais de faire comme les maquisards faisaient, c'est-à-dire de temps en temps, au moment où on s'y attendait le moins, boum, il mettait une petite charge, et puis on revenait dans le comique d'observation, dans ce qui faisait que les gens recevaient ces petites charges un peu comme ça. C'était ma tactique au début. Après, j'ai un peu changé quand j'ai vu que, bon, il fallait passer à la vitesse supérieure, peut-être, comme humoriste, quoi. Et j'ai mis le propos beaucoup plus en avant, le propos politique et satirique. Plus satirico-politique, quoi. Plus en avant, c'est ce qui a donné l'idée de cette trilogie. Mais j'ai toujours eu ce mélange d'observation, de travail sur la langue francitane, les origines occitanes, notre langue de tous les jours, hein, pas la langue académique. Donc je me suis toujours intéressé, moi, à la langue populaire. Et qui est un mélange d'italien, d'occitan, de catalan, d'espagnol, de français, et c'est ce qui fait, c'est cette langue qui m'intéresse. il y avait un personnage dans ces... Il y a un personnage dans, ces, dans ce village bourgognan qui est un personnage assez central dès le départ. Ça a été le premier personnage que j'ai créé et qui m'a pratiquement fait découvrir tout le village, parce que c'est à partir d'elle que j'ai créé son mari Raymond, son fils, le voisin Robert, le facteur, etc. C'est Lucette, la fameuse Lucette, qui est un personnage un peu hors du commun. Et cette Lucette, au départ, elle était une simple commère de village, mère de famille, voisine, etc. Puis, bon, elle s'intéressait un peu, presque exclusivement, aux autres, au papotage de village, voilà. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que, de temps en temps, il lui échappait des discours, des trouvailles qui révélaient un autre personnage, qui révélaient une autre culture, beaucoup plus libertaire, etc. Beaucoup plus critique, acerbe et satirique, que le simple fait de regarder si la voisine avait des varices aux jambes ou non. Et en creusant cet aspect-là, je me suis rendu compte qu'en fait, parce que j'aime bien toujours inventer des biographies à chacun de mes personnages. Ça me permet de les mener loin. Je me suis rendu compte qu'en fait, le père de Lucette était un anarcho-syndicaliste, comme il y en avait beaucoup, et en particulier chez moi. Enfin, je me suis un peu inspiré de mon père, quoi, pour tout dire. Et chez ce personnage, pour lequel Lucette a beaucoup d'admiration. C'est un personnage qui lisait Proudhon, qui lisait Hugo, qui lisait qui était syndiqué à la CGT, mais qui n'était pas encarté au parti. C'était vraiment l'anarcho-syndicaliste dans toute sa splendeur. Et Lucette avait été élevée par lui. Donc elle était devenue cette commère de village, mais en même temps, elle avait cette épaisseur que lui avait donné son père. Et je m'en suis rendu compte de ça petit à petit, en fouillant son histoire, tout ça. Je l'ai fait parler de papa un jour, et ça donnait ça. Donc, parce qu'il faut vous dire que je suis parfois moi-même le premier surpris par ce que ces personnages me racontent. Ça fait partie de ma méthode de création. Hein. C'est-à-dire, je prends le personnage, et c'est lui qui parle. Moi, je fais pratiquement que transcrire. Ce qui entend sa voix, et c'est une voix intérieure, et c'est pour ça d'ailleurs que chaque personnage m'amène dans des univers extrêmement différents, comme peut-être on va pouvoir le voir tout à l'heure si j'ai l'occasion. Mais à propos de papa, voilà donc ce que Lucette m'a dit, non, papa. C'était un ouvrier, voyez, mais il était instruit, cultivé, et il parlait pas pour rien dire, pas comme tous ces gonfleurs de bonbons là qu'on voit à la télévision, là dans les journaux télévisés là, quand ils parlent, ils ouvrent la bouche, là, t'as toujours pas qu'ils t'avalent le poste, et ils parlent en majuscule. Ils font comme le professeur Pignol, qui savait pas lire et qui a monté une école. Tandis que papa, oh non, au contraire, et puis alors, les livres, oh, c'est les livres, il fallait y faire attention, de ne pas les tacher, de ne pas les écorner. Il lisait de tout, Proudhon, Molière, Victor Hugo, Octave Mirbeau, puis il recevait des revues de partout, de Paris, même le Libertaire. Oh, quand il recevait son Libertaire, d'ailleurs, il votait jamais. Les hommes politiques, ils ne pouvaient pas les voir. Ils disaient, les hommes politiques, c'est comme les pigeons. Ça mange de l'or, mais ça cave du plomb. Et quand il envoyait un à la télévision, tu sais que ça pétait les flammes. Hein. Et alors, quand c'était un de gauche, alors là, il fallait l'entendre. Regarde-les, c'est carpette, c'est vendu, c'est mange de merde. La gauche, un ramassis d'analphabètes. Ils ne savent même pas conjuguer leurs efforts. La gauche comme la droite, ils sortent tous des mêmes écoles, on leur apprend qu'à berner le populot. Maman lui disait, Jeannot, crie moins fort. Bonsoir madame, bonsoir, savez-vous. Prenez une chaise. Hein, oui. Bienvenue. Hein. Donc je continue, hein, poser. fonction des terres. Avec les hommes de gauche. Ils m'aiment fort, Jean-Loup. Les voisins vont t'entendre. Eh, mais qui m'entendent, les voisins? Ça leur fera du bien, ça leur déconnera les oreilles aux voisins. Ils en ont bien besoin. Des socialistes comme ça, j'en chie tous les matins. Moi, j'étais petite, mais je m'en rappelle encore. Hein. Oh, papa, c'était quelqu'un. Et alors, il y avait une chose qui ne supportait pas d'entendre papa, c'est les partenaires sociaux. On ne pouvait pas. Mais il avait raison, hein. Excusez-moi, messieurs dames, hein. Mais pour un ouvrier, un ministre ou un patron, c'est pas un partenaire social, c'est un adversaire social. Papa me disait, il me racontait toujours cette petite histoire, il me disait, Lucette, ne l'oublie jamais, et jamais je ne l'ai oublié. Il me racontait ça. Il me disait, un jour, le patron et l'ouvrier tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Et à l'issue de l'embrassade, le patron avait deux montres. Je peux parler plus fort, mais pas plus clair. Et les curés. Oh, alors là aussi, il ne fallait pas y en parler. C'était sa bête noire, c'est le cas de le dire. Une fois, une tante de maman qui était croyante, peu chère, la pauvre, mais cette femme, qu'est-ce que tu veux? Elle avait pas d'instruction, elle était croyante, voilà, ma foi. Et alors elle lui dit, mais tu vois, Jeannot, moi, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que c'est Dieu qui m'a faite comme je suis. Et papa, sans lever les yeux de son journal, lui dit, eh ben, j'espère que maintenant, il va te laisser tranquille. Une autre fois, nous avons reçu la visite des témoins de Jéhovah, de femmes, une grande autre comme un cyprès, mais quand il est, et presque aussi maigre, et une autre pitoutette boulante comme ça, avec une patatasse, cette femme, des narines, écoute, qui aurait vu le cerveau, s'il en avait eu un. Et alors, papa, il leur dit, écoutez-moi, mesdames, je vous dis une chose, pour moi, il n'y a que deux choses qui comptent dans la vie. Le cul et la bouffe. Et je vais juste finir de manger. Alors vous voyez ce qui vous reste. Tu aurais bien rouge. Et pas rouge. Et papa qui criait. Qui criait. Il aimait de rire. Il me disait toujours, Lucette, n'oublie jamais de rire. Ce qui les fait le plus bisqué là-haut, c'est que même quand on soit pauvre, encore on rigole. Il n'y a qu'une fois qu'il ne nous a pas fait rire. Et là, alors, je ne sais pas ce qu'il a pris, il est passé par la tête. Un jour, il va trouver maman. Et il lui dit, voilà, Simon, il y a 10 ans que nous sommes mariés, il lui dit. J'ai toujours voulu te dire certaines choses, mais je n'ai jamais trouvé les mots qu'il fallait. Mais il me dit, cette fois, ça y est, je t'ai fait un poème. Oh, maman, qui adorait la poésie. Elle est devenue rose, j'avais jamais vu maman rose comme ça. Alors vite, elle s'assoit sur un fauteuil, nous les petits sur des petits tabourets à côté d'elle, comme pour une photographie. Et papa qui prend sa feuille et qui commence. Ça s'appelle... Tendre souvenir, oh maman, le mouchoir. Te souviens-tu, Simone, quand dans notre antichambre, nous avions pour pisser un vaste pot de chambre? Le temps passé reviendra-t-il? Peut-être, en attendant, Simone pisse par la fenêtre. On a été déçus. On s'est couché tout habillé tellement on était déçus. Bon, non. Donc, j'avais là l'explication de ce côté vraiment parfois. De façon surprenante, un art de Lucette, cette espèce de lucidité qui lui faisait aborder certains sujets d'une façon où je sentais très proche de moi, même si le personnage en lui-même est très éloigné de moi, puisque c'est, d'abord c'est une femme, c'est une femme qui n'est jamais sortie de son village, c'est pas une femme qui a fait un parcours militant spécial, elle a élevé son enfant, elle s'est mariée, elle a travaillé, et voilà, on ne s'attendait pas en tout cas à trouver cette touche chez ce personnage-là, mais on l'a trouvée parce que papa l'avait semé. Et bonsoir. Bonsoir. Et oui, vous n'étiez pas la dernière. donc, à partir de cette Lucette, qui, je le répète, au départ, était plutôt pour moi une joyeuse commère, hein, mais qui est devenue autre chose, et c'est elle qui, depuis 1984, m'a présenté son mari Raymond, qui est toujours sur la place du village, là, et qui regarde passer les autres. Hein. Yeah, aujourd'hui, yeah, pas à l'ombre au soleil des mers de sèche. Quelle empate. Il va bien lui, hein. Il y passe à l'ombre qu'il court, hein, mais je le cours, merde. Oh putain, c'est pas la médaille du travail qui l'empêchera de marcher à lui, mais Père Rigolat, il rigole. Hein, on peut pas bon, et voilà, oui, c'est pas tout. Je vais y aller, moi. Oh, on va y aller. On se rentrer. On va voir ce que Lucette a préparé pour souper. On va mettre les pieds sur la table. Hein. Et on aura plus belle la vie. Bon, et pendant 20 minutes, il y va jamais. Quoi. Et là, il regarde, bon, lui, c'est pareil. Il va passer à. Oh, allez! Tu vas marioler. Eh, allez! Et le chameau, tu vas laisser à la maison, le chameau! Tu sais ce qu'on me dit l'autre jour? On m'a dit que chez toi, il n'y a que lui qui bosse, le chameau qui bosse! Ciao, Ali, ciao! Et pourquoi tu voudrais qu'il le prenne mal? Je sais que je rigole, hein. Ah, vous l'avez dit, hein. Mais on a travaillé 15 ans ensemble dans la vigne, hein, avec Ali, hein, à côté, hein. Et le siècle, hein. Et même bien sûr, Marcel, ils sont pas tous pareils. Et vous me faites rire, moi, avec vos raisonnements du Moyen-Âge, là. Et, on est tous pareils, nous? Non, et bien voilà, et bien c'est pareil. Voilà. Et Marcel, nous, on est bien blancs, hein, bon. Et tu crois qu'on entraîne mal pas les calamantrains? Regarde-moi. Mon arrière-grand-père, c'est un type formidable. Bon. Mon grand-père, je veux dire, c'est extraordinaire. Bon. Mon père, mon cher, il n'y en avait pas deux comme lui. Bon. Moi, tu me connais. Bon. Et bien, mon fils, c'est le con. Comment ça? Comment ça, Marcel? La connerie, c'est pas une question de couleur de la peau. Tu peux être blanc comme le neige et con comme une valise. C'est pas ça qui manque, vous voyez. Il y a eu plus de 30% aux dernières élections, des connards. Alors, on n'a pas attendu qu'ils viennent d'Afrique du Nord. Non, mais les Français, vous me faites marrer, madame. Je me fâche pas, Marcel. Maintenant, il n'est pas là, je ne me fâche rien. Je te dis, Marcel, je dis ce que je pense. Voilà. À quelques comptes, est-ce qu'on t'aime? À quelques pas comptes, ça les recommence. C'est bon. C'est pas compliqué. Il y a deux ou trois ans, là, à longueur du journaux, les Français s'indignent. Parce que 144 soldats allemands allaient défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Bon. Et c'est les mêmes Français qui ont fermé leur gueule quand il y avait 2 millions des Allemands. Et les Marseillais, moi je préfère qu'il y ait 144 et qu'on sait où ils sont. Voilà, non, le mari de Lucette. Avec qui, évidemment, en même temps. Alors, vous apercevez un petit peu, dans ces deux extraits que j'ai faits, de quelle façon Je mêle, j'arrive à mêler le quotidien, la blague un peu d'observation qu'on pourrait penser, enfin, qu'on peut prendre comme des effets comiques anodins, quoi. Avec de temps en temps une réflexion comme ça qui sort, qui touche quand même à notre corde, quoi. Le rapport de Raymond et Lucette, vous pouvez le voir au long des textes, ils ne sont pas tous publiés, hein, mais c'est ce rapport de ces couples qui sont d'une autre génération. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que ces personnages-là, au départ, ont été vécus un peu comme des personnages vieillissants qui pourraient s'adresser à un public uniquement d'un certain âge. Bon, il s'est avéré, les gens se sont rendus compte petit à petit que, en fait, si ces personnages-là sont effectivement d'une autre génération, génération de mes parents ou de mes grands-parents, le monde qu'ils regardent, qu'ils observent, c'est le monde d'aujourd'hui. Alors, ce qui me semble en tout cas à moi intéressant, c'est justement de confronter ce regard de gens qui ont vécu certaines choses, qui ont une mémoire, une épaisseur de mémoire, et voir ce qu'ils nous racontent sur le monde tel qu'il est. Ça qui me semble intéressant. Donc, l'aspect de ces gens est... enfin, la première impression est de personnages un peu surannés, un peu vieillots, mais en fait, petit à petit, le public jeune s'est rendu compte, celui qui me connaît évidemment, s'est rendu compte qu'ils pouvaient y trouver leur compte aussi, puisque c'était un regard porté sur leur monde à eux. Par exemple, à un moment donné, je raconte que on peut rire de tout, la modernité, la tradition, il n'y a pas de frontières, on peut rire avec tout. L'autre fois, je croisais un jeune dans Bourgogne, dans mon village, le Bourgogne. Et il me dit, ah, monsieur Lanoua, ça tombe bien que je vous vois, j'ai une chose qui peut vous intéresser. Bon, je t'écoute. Hein. Il me dit, voilà, je viens d'acheter une voiture qui se conduit toute seule. Oh, bon, putain, j'ai dit, c'est bien ça. Et où elle est? Il me dit, je ne sais rien. Et comme ce qui est arrivé à Lucette, elle va vous le raconter elle-même. Oh, oh, oh, oh. Ma belle fille, ma belle fille. Ouh, ne m'en parle pas. Une cagolasse, une cagolasse. Tu sais qu'on a tiré le gros lot là. Il n'y en avait qu'une de ce modèle-là. Ils n'en ont plus fait d'autres. Hein. Mais alors, il a fallu que cela me pègue. Bonjour, écoute, tu rigoles, mais elle a failli me faire devenir saine. À tout prix, elle voulait me faire acheter un portable. Dites-moi, un portable. Et attendez, attendez. En plus, elle voulait me faire prendre un abonnement à Orange. Oh, dommage, j'habite à 6 km de Béziers. Elle va prendre un abonnement à Orange. Une calugue. Et comme municipalité fasciste, on a ce qu'il faut dans les rôles, on a besoin de courir dans le bon bus. En plus, quand ça sonne, prends le car, prends le train, file à Orange. Consciente, je ne sais pas s'il a été bercé trop près du mur. Ou alors s'il a été fini en urine. Ou alors il y a eu le feu dans le berceau, ils ont été qu'un coup de pelle, j'en sais rien. Et attends, l'autre fois, encore pire, au mois de janvier, un froid de connard, là, elle nous appelle, vraiment, on était à la maison, tranquille, 9h, le téléphone sonne, et c'était la parole. Et alors, elle nous dit, tu sais ce qu'elle voulait qu'on aille faire chez eux? C'est mon petit bétou, pas chez eux, hein, chez eux. Elle voulait qu'on vienne regarder un film en streaming. Après, j'ai dit, ah, le froid qu'il fait. Une calugue. là, en plus, on n'en a pas, nous, des streamings, avérément. Tu me vois, moi, espatarré sur le sofa, en train de regarder un film, le fois qu'il est passé la charrette. Voilà. Donc, il y a effectivement, au fur et à mesure des spectacles, tout un tas de personnages qui apparaissent. Le principe étant un petit peu qu'on évoque un personnage. J'ai fonctionné comme ça pendant toute la carrière que je viens de passer, c'est-à-dire que j'ai laissé les personnages me raconter leur histoire. Ça a été le gros de mon travail, ça a été de ne pas travailler moi-même. Et de laisser les personnages travailler, pour moi. Parce que c'était le garant que leurs histoires étaient vraiment, leur appartenaient, quoi, parce que... Ils pouvaient me raconter des choses auxquelles moi je n'aurais pas eu accès, parce que quand c'est Lucette qui est sur la scène, tout ce qui se passe est vu à travers du regard de Lucette. Donc moi-même, je peux me laisser surprendre par ces choses-là. J'ai notamment, j'en ai beaucoup, mais un cas typique de l'intérêt de cette méthode-là, c'est-à-dire d'accepter les personnages comme les humains de chair et d'os, tels qu'ils sont, finalement, en s'en amusant même si on peut, mais en les acceptant tels qu'ils sont, sans chercher à intervenir en quoi que ce soit. Un jour, pour le spectacle L'été, j'avais parlé plusieurs fois de Émile, le frère de Lucette. Émile par-ci, Émile par-là. Alors, c'était un personnage qui était dans plusieurs des spectacles, mais on ne l'avait jamais vu. Bon. Et dans l'été, je lui ai dit, tiens, je vais pouvoir finalement mettre Émile, parce que puisqu'on en parle un jour, il faut qu'il apparaisse. Et cet Émile, je l'entendais. J'avais écrit un sketch à part comme ça, sans penser trop à l'été. C'était une discussion entre Émile et sa sœur Lucette. Et cet Émile m'était venu naturellement, il roulait les airs. Il m'a merde, enfin bon. Et je l'entendais comme ça. Et au moment de finaliser la scène et de l'inclure dans mon canevas de l'été, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible ça. À Bourgognan, on a l'accent hérolté, languedocien, mais en aucun cas on ne roule les airs. Le roulement des airs qui est hérité de l'occitan, puisque l'occitan roule les airs, l'occitan, quand on parle du vrai occitan de l'époque, on le retrouve un peu dans la montagne noire audoise, dans le nord de Narbonne, vous voyez, on le retrouve un peu dans certains coins du sud-ouest, vers Albi, tout ça. Mais pas vers Béziers, pas dans le Languedoc, dans le pas Languedoc, on ne roule jamais les airs. Et alors, ce personnage qui roule les airs, étant le frère de Lucette, né à Bourgognan et grandi à Bourgognan, etc., je dis, c'est pas possible, il n'a aucune raison de rouler. Oh merde, j'ai dit, putain, c'est con ça! Parce que... Ouais, et puis quelque chose me disait qu'il était comme ça, quoi. Et que ça allait être difficile de ne pas lui faire rouler les airs. Et alors, j'ai dit à Carmen, je travaille beaucoup avec Carmen, quand j'écris, j'échange, je lui expose mes idées, voilà. Elle est bon public. Ouais, c'est où je veux en venir, voilà. Et je lui dis, zut, voilà, je lui dis, je suis devant ce problème, que ce personnage, je l'entends comme ça, mais ça colle pas. Ah, on s'est dit, ouais, c'est couillon, tout ça. Et puis, comme j'aime pas abandonner un personnage, je lui dis, attends, pourquoi est-ce qu'il aurait une raison de rouler les airs? Alors, j'ai repris ce personnage. Un peu son historique. Et je me suis rendu compte que dans l'automne, ce personnage, c'est toujours un peu un Gaston Lagaffe. Il y arrive toujours des malheurs. dans le, l'automne, il veut scier ses lucettes et qu'il leur colle tout ici. Alors, il est arrivé, Raymond n'était pas là. Il avait son fusil, tu sais qu'il chasse. Bon, il l'a jamais bien fait, mais ma fille, il chasse. Il me dit, j'aurais besoin de la scie de Raymond. Ouh, et je dis, moi, les outils de Raymond, ça fait longtemps que j'y touche plus, Ah non, Après, il me fait les ordres à ma tante, tu m'en touches ci, tu m'en touches ça. Alors, je touche plus rien, et puis voilà. Et alors, tu sais ce qu'il voulait faire? Écoute ça, il a un fusil avec deux canons. Alors, il voulait scier les canons au milieu, et les tordre comme ça. Ça veut dire, si je rate un lapin avec celui-là, je la rate avec l'autre. Alors je dis, mais tu as le droit de faire ça. C'est dangereux quand même. J'ai dit, tu ne pourras pas viser. Il me dit, non, il n'y a pas besoin de viser. Il me dit, tu crois qu'il vise les autres? Comme je dis, écoute, fais ce qu'il voudra, c'est même merde ou c'est pas mal. Alors je te le vois descendre l'escalier de l'atelier, là, avec son t-shirt de Castorama, son t-shirt aussi, écoute, ça fait 3 ans qu'il porte le même. Pas manqué de loubet, il était pas venu loubon, il y a des t-shirts. Et le short, toujours le même short, il dit qu'il y est bien et qu'il veut pas singer. Alors m'a-ce compris, ça, quel short t'avais, une bravata là, avec des cactus fluorescents, là, et sans slip. Ah non, mais jamais de slip. Il dit qu'il n'aime pas, qu'il supporte pas. Alors qu'il y a des fois que Mascoum préfère. Ah, je trouve ce short si large, et sans slip. Dès qu'il aime la jambe, tu as vu direct sur le service de 3 pièces. Tu n'as pas besoin d'être sous-marin pour lui voir le périscope. Mais je lui ai dit, 50 000 fois, je lui ai dit, Émile, mets-toi quelque chose. Au moins dans le village. Vous n'avez pas su, mademoiselle Boulette, vous n'avez pas su, il y a 15 jours. Je ne suis pas sorti d'une semaine, tellement j'avais honte, c'est quand même mon frère. Cette femme, elle était, elle faisait le catéchisme, avec mon 30 gosses, dans cette salle de, derrière l'église. Et alors, vraiment, pas de bol, son ampoule au plafond se grille. Et elle sort pour aller chercher quelqu'un pour l'aider. Et elle ne tombe pas sur Émile. Mais ça, je roule. Émile, ne vous inquiétez pas, je vais vous le faire. Il rentre dans cette salle, il écarte les gosses, il met une table sous l'ampoule, une chaise sur la table, il monte sur la chaise, il commence à trafiquer cette femme. Et quand est-ce que vous les entendez? Ça va, monsieur? Elle a eu une sainte coupe. Elle a dit au curé, j'ai vu la Trinité. Le Père, il est sauve, et le Fils, et le Saint-Esprit, c'est les jumeaux. Oh. Tu me dois quelque chose. Je dis pas de se mettre de ces slips stikitch là. Sur le catalogue de la redoute, tu sais, genre, je comprends, ça fait skitch, c'est pas bon, hein. Les streaming. Streaming, là, c'est pas bon. En plus, ça fait boss, surtout chez un homme. Mais comme il fait Raymond, mon mari, tu ne feras pas mettre, une fois. Je voulais lui acheter une paire de. Je voulais lui acheter justement des estrimaux, comme tu dis. Et je suis allé à Béziers, à Damartermo d'Arty. Et. Je voulais lui acheter. Alors il a essayé ça. J'ai vu de suite que celui ne plaisait pas. Il a commencé à se secouer du popoté. Il a dit non, à quel outil il la règle, mais bon, passe. Et cette femme qui voulait à tout prix le lui vendre, ce stream. Marchez, monsieur, les fasciaux. Marchez, les fasciaux, en gros. Oh, avec ses grosses fesses poilues. Comme je vous dis, au bout de 5 minutes, mon frère Émile, qui remonte de l'atelier, avait cette scie de Raymond, là, ces scies qui comme branche. Que moi, rien que le bruit de ces scies, ça me fait gercer les lèvres. Alors je m'enferme dans la cuisine, et j'entends les... Je leur dis, c'est qu'ils débarrassent le plancher. Je te le dis franchement, je n'étais pas tranquille, j'avais un pressentiment. Et au moment donné, il me dit, ça y est, j'ai presque fini, t'as mignon, ma fille. J'entends balaboum, ouh, j'ouvre la porte et qu'est-ce que je te vois? La table en chêne de maman, là, cette table en gros chêne que j'ai là, dans le salon, tu te rappelles. Et voilà, la seule chose que j'avais héritée de ma pauvre mère, coupée en deux, et mise par terre, avec la scie en marche à côté, et devant lui, une chose. Au début, j'ai cru que c'était un doigt. Mais après, quand j'ai vu qu'il faisait ça, et qu'il avait les doigts dans la main, j'ai mieux regardé, et voilà, et oui, c'était un doigt sans ongle. Il s'est désectionné la bistouquette. Voilà, donc ça, c'est la mésaventure, l'extrait de la mésaventure des mille dans l'automne, ce fameux fusil qui veut scier, tout ça. Dans l'hiver, il veut l'aider, lui faire une bonne surprise. Elle a un radiateur qui fait glou glou glou glou glou. Raymond, il a repeint toute la maison de Léon parce que Guitou vient leur présenter la cagole, la fameuse cagole marseillaise qu'il a connue à Lyon, parce qu'ils travaillaient ensemble aux Acédiques. Et donc il avait tout repeint pour que la maison soit flamande. Et l'autre, enlever à Lucette ce glou-glou-glou qu'il y avait dans le radiateur du premier étage, au lieu de dévisser la petite molette d'Ango, là, il a dévissé le boulon. Tout l'eau noirasse est allée dans toute la maison. Et donc, enfin, il y a une aventure dans l'hiver incroyable. C'est lui qui a un problème avec une enclume. Et dans l'été, il est président du comité des fêtes, et il organise dans l'été un concours d'enclume. Il faut porter, c'est Raymond qui le raconte, il faut porter l'enclume de la place de la mairie jusqu'au café de la gare, 1 km, et sans la poser. Il fallait la poser dans un cercle, là, sur une croix, c'était précis, voilà. Résultat, les trois quarts, ils n'ont même pas réussi à la soulever avec l'enclume. Les autres, ils l'ont posé au bout de 20 mètres. Hein. Et il n'y a que Terrasse qui est arrivé à faire tout le trajet. Le prix à gagner, c'était une bouteille de pastis. Alors tu m'as dit que Terrasse, même il aurait fallu porter 20 tonnes de riz sur le dos jusqu'au Mali, il aurait fait. Et donc il arrive, Terrasse, il a porté une enclume de 350 kilos au village. Il est arrivé et l'autre, il est là. Émile, dans l'été, et il s'est mis sur la marque hein, pour bien lui montrer où il fallait la poser. Oh, oh, oh, oh, à mes pieds, à mes pieds. Et l'autre, il vient, il fait, putain, mais vas-y, capé. Et l'autre, là, là, à mes pieds, boum. Et il lui a aplati les pieds. Vous le verrez sur la scène, j'arrive avec des pieds et des posettes qui m'ont été faits par un marionnettiste, une paire de pieds tout enflés, sur la base d'une palme plongeur, donc ça fait des pieds comme ça. Et parce que bon, ici il a bâti quoi. Voilà. Et c'est un personnage pour abréger, auquel il arrive à chaque fois les plus grands malheurs. Et alors je me suis dit, pour revenir à mon histoire de roulement, je me suis dit, mais donc, il finit toutes ses aventures, pour lui, il finit dans un hôpital. Et alors, à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils lui font? C'est toujours les urgences, il se scie la bistouquette, il s'est croisé les pieds, il fait. Il lui faut une transfusion. Alors, ça c'est intéressant. Et puis tout d'un coup, l'idée qui vient quand tu as. Qui est tellement. Simple que tu te demandes au moins tu as tardé une semaine pour la trouver. Lui-même va vous en donner l'explication. Et regarde-là, Lucette, je t'ai déjà dit à 100 points que je voulais plus que tu parles de moi à personne. Merde. Que ça va dire. Ferme, fila, fais comme le chien de l'hiver quand il s'en bat quand on l'appelle. Punaise, tu vas pas la fermer, non, avant de l'ouvrir. Non, c'est ça, c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle parle. C'est pas une langue de là, c'est un serpent de sornette. À un homme mort, le parolier. Ça l'alimente, ça la soutient. Les ragouts de ragouts, c'est son plat préféré. Et en théorie, les serres, plus de neige, c'est dire vrai que les plus heureux, c'est les cigales, hein, que leurs femelles n'ont pas de voix. Mais en plus, elle allait dire à tout le monde là que je faisais exprès de prendre cet accent. Que je n'étais pas mon vrai accent. Pourquoi elle allait raconter ça? Elle le sait très bien. Pourquoi j'ai cet accent depuis 10 ans maintenant, depuis mon accident de chasse. C'est à l'hôpital de Béziers. En me faisant la transfusion, ils m'ont foutu l'hépatite C et l'accent de l'autre. Oh, la Je me les foins en plus. Et qu'il y a des fleurs. Et donc j'avais l'explication de ce roulement de l'air. C'était la transfusion. Il avait été transféré du sang de nos doigts. Momentanément, qui ouvrait les ailes. Sinon, il a. C'est logique. Mais ça va arriver de plus en plus, c'est des accidents comme ça, vous voulez. Mais les riches, ils s'en foutent dans leur clinique privée, tu comprends? Ils se font mettre l'accent qu'ils voudront. Ils se font mettre l'accent parisien alors qu'ils se font là de la bête. Ils le font ça déjà au conseil général. Mais nous, les pauvres, on se pourra n'importe quoi. Le portugais aura l'accent chinois aura l'accent roumain, le roumain aura l'accent de la Corrèze. On ne se retire pas, on ne se retire pas. Voilà, donc, ça me permet aussi de faire un petit passage sur, sur l'état de notre santé. J'avais cette explication. Donc, tout ça pour vous expliquer, je sais que je suis allé un peu loin, mais je vous ramène là, mon bon départ, pour vous expliquer que je n'abandonne jamais un personnage si je l'entends s'exprimer d'une façon, ou s'il me dit des choses surprenantes, c'est qu'il a une raison de me les dire, et donc je cherche cette raison-là. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des ressorts comiques originaux. D'autant que, n'ayant pas la télévision chez moi, je me tiens à l'abri de toute influence néfaste, comme l'autre qui apprenait à se méfier des politiques en apprenant à lire. C'est en n'ayant pas la télévision que je me préserve de tout l'humour qui se fait, en bien ou en mal, je n'en sais rien, mais je ne connais absolument rien de ce qui se fait en humour autour de moi actuellement en France. Donc, comme ça, je suis sûr à peu près que, ma foi, ça peut être que le hasard si j'entendais des trucs. Mais dans l'univers où je suis, je travaille tout seul. C'est un univers qu'on est obligé de bien connaître si on veut vraiment travailler dedans de manière, disons, j'allais dire sérieuse, c'est pas vraiment le mot, mais fait de manière, disons, fondée. Donc je préserve cet univers-là. En ce qui concerne la trilogie de Jean-Charles, alors je m'excuse parce que je ne vais pas pouvoir vous les jouer, les passages, parce que ce sont des spectacles que je... Jean-Charles le Président date de 2012, hein, donc je ne les ai pas en mémoire, hein, donc je préfère carrément les lire. Je vais vous en donner un petit extrait, si on a le temps. On a le temps. Juste petite parenthèse, le bouquin, là, que tu l'as pas dit, c'est publié en... On va pas les dire. Ah, ouais. Vas-y, alors dis-le. Ouais. La trilogie de Jean-Charles, c'est trois livres que vous pouvez retrouver séparément, c'est-à-dire c'est Jean-Charles Président, La croisade des rabat-joie et à l'abordage, qui sont les trois livres politiques de Daniel. Donc l'un sur cette pamphlet contre Sarkozy, le second c'est à l'occasion du gaz de schiste. Donc on trouve du gaz de schiste à Bourgogne. Là tout part en vrille. Tout part en vrille, tout le village, c'est voilà. Et le troisième à l'abordage, c'était sur le traité transatlantique. Donc j'ai écrit des comédies, justement. Mais non, c'était le nombre d'exemplaires que je voulais dire. Oui, bien sûr, j'ai compris. Dans le Tafta. Et donc on a eu l'idée avec Daniel en 2018 donc, de réunir ces trois textes et de faire la trilogie de Jean-Charles. Et on en a, pour commémorer les 50 ans de mai 68, on en a édité 68. C'est une rareté, hein, c'est une rareté. Il en reste 6, je crois. Puisque, voilà. Et voilà. Bon, donc, ne vous votez pas. C'est pas le but. Hein. C'est un tirage limité. À 68. À 68. Et j'ai une question. Hein. Toutes ces personnes, de mon expérience, la réalité dépasse la fiction. Oui. Et est-ce que c'est vrai, c'est le cas pour les personnages qui t'ont inspiré dans ta vie, hein? Dans ton environnement, parce que d'expérience, je sais qu'il y a des trucs, des personnages que je connais de Corse et tout, qui sont, si on écrivait dessus, ça serait trop trash, je crois. Oui. Et du coup, il faut les. Il faut les abîmer, les limer. Oui, il y a une part. C'est vrai que la réalité dépasse la fiction. Et en général, hein. Enfin, j'ai remarqué. Oui, mais ça peut arriver, ouais, que la réalité nous donne des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, même en se mettant 10 jours devant sa feuille blanche. Après, ça devient, même pour un film, ça devient par exemple, l'idée d'écrire un court-métrage sur quelqu'un d'hardcore, quoi, de trash, il y en a qui sont plus trash que ce qu'on voit à la télé, quoi. Oui, bien sûr. Beaucoup plus trash. Après, dans l'humour, je ne sais pas. Ben, l'humour consiste aussi à d'abord, il faut, le point essentiel, c'est que le public suive toujours ces personnages. Mmh. Et toujours une clé, une explication, pour pas partir trop loin et donner quelque chose qui dans la tête du public couperait la réalité du personnage. Ouais, ouais. Vous voyez, par exemple, cette histoire d'enclume, elle est expliquée par Raymond à un moment donné de l'été comme quelque chose de naturel. Les choses les plus invraisemblables doivent être racontées comme si elles s'étaient réellement passées. Dans l'été, vous avez aussi un exemple de ça. Raymond raconte que le père de Calendula, qui était... Calendula, c'est la belle-fille. Hein. Elle, Calendula, sa sœur Ignatia, et la mère qui se soignait à l'homéopathie. Dont le père de Calendula, qui est marseillais, Calendula, marseillaise. Il est ancien parachutiste dans l'armée. D'ailleurs, de Bucette dit à un moment donné, messieurs, dames, fille de parachutiste, alors tu m'as compris, hein, ça ne pourrait pas donner grand-chose de bon. C'est pas du sac d'un charbonnier qu'on tire dans la farine. Et ce gars, il lui arrive une aventure dans l'été, que je vais laisser Raymond vous raconter. Il est un beau maître, hein. Oui, c'est grave. Eh bien, bon, je te raconte, Marcel, tu étais chez ta fille à l'Essémène, là, tu épurotes tout. Là, au mois de juillet, là, le Tour de France, hein, cette année, il a fait Toulouse-Bourgognan, et le lendemain, Bourgognan-Marseille. Avait arrivé sur la Canebière. Et ce type, dont le père Calendula, il est le Marseille, tu le sais. Mais lui, plutôt que d'aller voir la course en ville, hein, tu vois, ou sur la route, comme tout le monde, là, non, toujours plus fort que les autres. Comme il était parachutiste dans l'armée, il a loué un deltaplane et il s'est lancé du haut de la Bonne Mère. Et de là-haut, tu parlez, voyez tout. Les échappés, le peloton, la caravane, le maillot jaune, le maillot vert, le maillot arc-en-ciel. C'était le roi du pétrole. Ceux qui ne savaient pas, c'est que cette année-là, juste derrière le peloton, il y avait un 4x4 décapotable avec Sarkozy dedans. Et personne ne le savait qu'il était là, le CMP. Les gens là, quand ils l'ont vu dans son 4x4 là, pégé au cul du peloton comme une tique, hein, avec sa tête à claque là, ils sont restés bouche bête. Alors tous en même temps, ils ont arrêté d'agiter les drapeaux, d'applaudir, de lancer des fleurs. Ils sont restés pétrifiés. Alors entre ça, que plus personne n'a bougé, et le déplacement du peloton, ça a fait un trou d'air. Et l'autre en plate, il s'est trouvé juste en dessus du trou d'air. Ça y a fait vriller les ailes du deltaplane, et il est tombé en piqué droit sur le 4x4. Le chauffeur du 4x4, il devait être dans la même promotion que lui. Alors, rien tombé, au lieu d'accélérer pour l'éviter, non, il pile. L'autre, qui voyait bien qu'il allait se la payer en plein, il écrit en tombant, « Casse-toi, pauvre con !» Et il le disait au chauffeur. C'est vrai, va t'en expliquer ça en tribunal, je crois. Encore une fois, est-ce que un trou d'air peut provoquer la chute de la tapage? Je n'en sais rien. Mais disons, dans un cas bien précis, des personnages un peu, pas forcément drôles, hein, très trash, des gars qui me vendent de la drogue, qui font n'importe quoi, parce que c'est fils à papa, enfin des histoires que je connais. Oui, oui. Et. On pourra faire des sketchs, mais en les arrangeant, si on les laisse tel quel. C'est très drôle et en même temps c'est hardcore parce qu'il a toujours des trucs, il comprend des trucs très glauques et. Alors, ça c'est le. Mais quand on le raconte, si on se met à raconter ça, c'est invraisemblable. Oui, oui. Et puis en espace très court, parce que là, avoir ce nombre de sketchs, si on devait le rapporter à une vie dans la réalité. C'est souvent espacé, les grands moments de fou rire. Il peut y en avoir beaucoup dans une après-midi, mais c'est quand même, il faut quand même beaucoup d'après-midi pour réunir. Hein. Oui, pour faire un spectacle. Voilà, ouais. Et voilà, non, c'était une question dans l'humour. Le rapport entre la réalité. L'humour se base toujours sur la réalité. Oui. Sauf qu'elle est grossie, déformée. Oui, voilà. Et c'est surtout dans le sud. Surtout dans le sud, mais un peu partout. Hein. Il y a une déformation. L'humour, c'est d'abord une déformation. Soit on met une loupe, soit on découpe, on met la tête de l'un sur le corps de l'autre. C'est une espèce de. De tout burlesque. Dans le dernier spectacle, je raconte par exemple. L'histoire de ces toits, c'est une histoire vraie, qui peut-être mener un élément de réponse à ta question. C'est une histoire qu'on m'a racontée, mais que je reconnais moi-même que je n'aurais pas pu l'inventer. De ces toits, donc, il raconte, on est allé à Noilly-Prat, là, à Marseille, à déguster, hein, les apéritifs Noilly-Prat. Tu sais, ils te font déguster. On arrive, hein, moi j'avais pris Gibert avec moi dans la voiture là, et le code avec les cols, j'ai créé le permis. Quoi. Et on arrive à 10h, et allez, on commence à déguster. Alors, à la cave, allez, Noilly-Prat rouge, Noilly-Prat blanc, le moitié-moitié, comme ils appellent en anglais dans l'alphanao. Et allez, et on déguste. Et à partir de 10h, on a commencé. Allez. Seulement moi, à 4h de l'après-midi, j'arrive jusqu'à là. Non, je pissais de moi, quoi. Alors, je leur dis, vous, on va continuer sans moi. Moi, je me casse, hein. Je rentre assez. J'étais venu déguster, mais j'ai dégusté. Maintenant, je rentre à 7. Alors, Gibert me dit, je reviens avec toi. Alors, j'embarque Gibert et on fuit à 7. Sur la ligne droite, juste avant Bouzigue, là, je vois les gendarmes, hein. Je lui ai soufflé le ballon, gros pull. Alors, je me programme, hein, sur le bas-côté, hein, c'est histoire vraie. Hein. Et je dis à Gilbert, vite, sortir, on fait semblant de pisser. Et moi, je regardais pour voir ce qu'ils faisaient les gendarmes. Hein. Seulement des compagnes, les gendarmes. Ils sont pas cons. Enfin, tu m'as compris, quoi. Si tu t'arrêtes, quand ils te le disent, ils trouvent ça normal. Ils n'ont rien à redire. Mais si tu t'arrêtes alors qu'ils n'ont rien dit, ça t'en plaît comme moitié. Hein. Ils ont l'impression que tu leur enlèves le travail. Alors je les vois qui remontent dans leur bagnole. Et ils reviennent, ils font demi-tour, ils reviennent vers nous. Oh, putain, j'y vais vite, ils remballent tout, j'y vais. Et on rentre dans la voiture avec moi, on se met sur siège arrière, hein, et tu fermes ta gueule, tu me laisses faire. On se met sur siège arrière, et ils arrivent, messieurs, gendarmerie nationale, alors moi, quand on est une on s'en doutait. C'est écrit sur ta bagnole! Ah oui, cousin, regarde ton déguisement! On devinait que c'était pas la Croix-Rouge! Alors, il me dit, mais monsieur, mais vous avez bu? Et on me dit, alors, on ne veut rien nous cacher! J'ai pu réussir le concours au premier cours. Il est meilleur. Depuis 10 heures, on fait quoi ça? On était à Noilly-Prat, là. On a vu les gueules exploser qu'on a. Au hiver, il dormait ce corps. Au hiver, il y a encore les cognes, hein. Maximum tout ça. On dirait qu'on nous avait jugé les yeux par le canard. Alors, dès qu'on a bu, je veux qu'on a bu. Je veux dire, on n'a rien fait d'autre. Pour voir, on a bu. C'est pour ça qu'on ne conduit pas. Tu veux voir, on est derrière. Vous attendez quoi? Si on attend la mule, hein? Mais lui, le collègue hein, qui conduisait, que lui, il n'avait rien vu, mais son corps, il a conduit dans la tronche. Hein? Quand il vous a vu, là, il s'est arrêté, il a dit je vais pisser, et il s'est cassé. On pouvait faire de la merde. Hein? Et on est dans la merde. Moi, juste avant que tu arrives, je lui disais au collègue et moi, dans l'état que je suis, pas question que je conduise. Donc ça, c'est une histoire vraie, que c'est toi m'a raconté. C'est arrivé à des gars de 7. Personne ne s'était intéressé à cette histoire. Et moi, j'ai fait tout ce qu'il y a, évidemment, en y rajoutant des choses, évidemment. Mais bon, le principe, ils se sont mis sur le siège arrière pour... Donc c'est d'une histoire réelle qui semble d'ailleurs invraisemblable, qui semble inventée plutôt oui, voilà, par un humoriste. Hein, on dit qu'il a eu cette idée, et voilà. Non, c'est très difficile d'avoir une idée comme cela. Il faut être vraiment de cette, quoi. Non. C'est comme, on me raconte que dans un village... il y avait un gars qui, comme il avait l'oreille interne d'un côté bousillé, il était toujours avec sa brouette. Pour tenir l'équilibre, il allait partout avec sa brouette. Donc, à partir de cette histoire, une anecdote vraie, j'ai fait une petite scène où vraiment on raconte qu'effectivement, je t'explique. Lui, il était tu sais, chef des employés municipaux. Chef, alors tu imagines les autres. Et un jour, quelqu'un lui a dit au village, le haut-parleur, parce que, là, il faut savoir que dans les villages languedociens, les informations sont données très souvent par les haut-parleurs qui sont sur les mairies. Mmh. En haut des mairies, il y a des haut-parleurs qui sont diffusés un peu dans toutes les directions et qui annoncent si on a besoin du docteur chez un tel, des jours de marché, etc. Tout ça, et il y a les commerçants paient 50, enfin à l'époque, j'ai dit 50 centimes. Bon. Maintenant, je ne sais pas, ils payeront 1 euro, ils ont le droit de faire annoncer, tu as le droit de faire annoncer. Le marchand de saucisson est installé, place du marché, etc. Voilà, qui informe la population. Quand il y avait des cinémas, on annonçait le programme des cinémas. Voilà. Ça va être comme... Ouais, c'est très, très... Quand c'est pas très grand... Ouais. Ouais, c'est des villages de 2000, 3000 habitants, voilà. Donc ouais, on entend beaucoup. Et alors, il dit... quelqu'un est allé lui dire que le haut-parleur, vers chez lui, on l'entendait pas bien. Alors, lui, une ni deux, il va trouver le garde, hein, qui a 100 mois, ça, et lui dit, tu vas monter à la mairie, lui dit, tu vas parler un peu dans le micro, et moi je vais écouter, voir ce qu'il a sur le haut-parleur. L'autre, il monte à la mairie, le micro à fond, l'autre qui avait l'oreille au coin haut-parleur, le téléphone, moi, il était clair. Et depuis, il marchait, tombé. Et un jour, il a trouvé qu'en te laissant ta brouette, il ne tombait plus. Alors, tu vois, voilà, il va toucher à la brouette, il va faire les courses à la brouette. Ça devient une scène, évidemment, de village, une scène. Mais c'est toujours pareil, toujours un peu... Moi, je ne sais pas, je me suis posé cette question. Oui, mais elle est intéressante. Parce qu'il me semblait que, vraiment, il y avait beaucoup d'inspiration de choses réelles dans votre façon de... Tout à fait. C'est-à-dire que même ce qui est inventé doit toujours avoir une explication logique. Après, quand le public, il faut qu'il accepte une logique qui n'en a aucune. C'est ça le tout secret. C'est-à-dire que, par exemple, que le spectateur arrête d'applaudir et jeter les drapeaux, hein, ça crée un trou d'air qui fait vriller les ailes d'un deltaplane. Logiquement, c'est impossible. Quand ils entendent ça, ils acceptent cette espèce de supralogique humoristique, burlesque, quoi. C'est que rien d'autre que du burlesque. Hein. C'est des trucs de mystère qui tombent, qui sont complètement improbables. Mais on en rit parce qu'on croit vraiment à l'action. Tout est expliqué, tout est disséqué. Les séquences suivent les séquences et donnent à la séquence totale une espèce de réalisme plus, quoi. Surréalisme. Surréalisme, on peut dire, que les gens acceptent parce qu'on est obligé de les accepter. Donc, là, pour vous donner peut-être... Merci. J'ai essayé de répondre, mais j'espère que j'ai répondu au moins en partie. Après, donc, tu as l'anecdote depuis Sergi, le gars espagnol là, qui est venu après avoir vu Navarro. Voilà, la réalité dépasse la fiction. Oui, la réalité dépasse la fiction, par exemple. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand on voit un univers humain comme ça, on se dit qu'il y a des trucs des fois qui sont pires que ça. Oui. Bien sûr, mais on est déjà que ces personnages. Voilà. J'avais, comme je vous l'ai dit au début, un personnage d'espagnol, parce que chez nous, peut-être pas moins ici, hein, mais chez nous, en Languedoc, évidemment, nous avons eu une importante immigration espagnole, dont je proviens moi-même. Tout au long du XXe siècle, d'abord, immigration économique au début du siècle, la guerre de 14 a amener en France beaucoup de cultivateurs, bergers, espagnols, parce que tous les hommes étaient au front, donc besoin de main d'œuvre. 39, évidemment, la fin de la Révolution espagnole, l'exil. Et ensuite, tout au long des années 50 et 60, nous, également une importante immigration, celle-là, économique, de zones comme Murcia, ou Andalousie, qui est liée au manque de travail de là-bas. Donc, ce qui fait que chez nous, on peut dire sans exagérer qu'à peu près 80% des langues d'Occident ont une origine espagnole. Donc cette langue espagnole, elle s'est maillée avec l'occitan et le français. Pourquoi ? Pour la simple raison que d'abord, c'était des gens qui étaient des ouvriers, des paysans, des maçons, des cultivateurs, qui n'avaient pas eu l'accès à la culture chez eux. Donc, un peu, disons, enfin, qui auraient pu apprendre une langue très difficilement, une autre langue étrangère. Ils avaient tendance à rester, c'était pas facile pour eux de rentrer dans le français. Leurs enfants, la première génération, de suite, ont été des francophones absolus, parce qu'ils ont fait l'école. Mais eux, ils arrivaient à 40 ans, 30 ans, ils n'avaient parlé qu'espagnol, et ils n'avaient pas le temps de se plonger dans les méthodes assimiles, ni même assimiles. Et voilà, donc ils se sont trouvés avec une population qui était d'origine espagnole, donc qui, pour la plupart, maniait cette langue quand elle ne la parlait pas. Beaucoup de gens le parlaient, du moins le comprenaient. Ce qui fait que dans l'épicerie, chez le boucher, au marché, ils n'avaient pas besoin d'apprendre le français pur pour se faire comprendre. Ce n'est pas comme s'ils étaient allés en Allemagne, par exemple, dans des pays, ou alors en Suède, où là, ils auraient été peut-être forcés de se mettre au suédois. Là, ils étaient dans un milieu hispanophone, pratiquement, qui leur a permis de créer une espèce de langue melting pot entre le français, l'occitan, le catalan, et tout le monde les comprenait. Donc j'avais créé un personnage qui est devenu très, très célèbre là-bas, c'est José Navarro. José Navarro, c'est un contremaître espagnol, et qui dit je suis venu ici en France à faire les vendanges en 58. Il ne parlava pas un mot de français. Et maintenant, regarde. Je parle parfaitement, tout le monde me comprend. Je vais à l'Ursav, je vais à la Mutuelle, je vais même à l'Crédit Agricole, qui pourtant ils sont pas des Lumières, et même là, ils me comprennent. Je vais te dire la meilleure. L'autre fois, je suis jeté au Banco de Crédit Espagnol, et ne querían pas croire que je era espagnol. Non, ne querían pas croire. Enfin, il y a tout un discours comme ça où il est très content de son français. Et les gens, évidemment, se sont reconnus d'une façon incroyable dans ce personnage. La première fois que je l'ai joué, je partageais la scène avec Charles-Auguste Bufioré. C'était sur un chapiteau, il y avait peut-être 700 personnes. La première fois que j'ai joué ce personnage-là, et il vous aurait fallu voir, j'ai cru que le chapiteau allait me tomber dessus. Quoi. Quand ce personnage est arrivé, les gens ne l'avaient jamais vu. Eu quelque chose là, parce que c'est un parler que nous entendons tous les jours, mais qu'aucun humoriste n'avait eu l'idée de porter sur la scène. Donc les gens, quand ils ont vu ça, ils n'en revenaient pas. Quoi. Et un jour, je vais jouer dans un village de l'arrière-pays héroleté qui s'appelle Puisserguier. Et devant moi, évidemment, j'entendais derrière le rideau qu'il y avait toute une famille d'Espagnols. Il y avait la grand-mère, le grand-père, les enfants, la femme, le mari, etc. Et je joue dans ce spectacle avec qui comprenait ce sketch-là. Et à la fin du spectacle, alors que tout le monde était au fond de la salle, autour du bistrot, enfin autour du bar, le père de famille, là, de cette famille d'Espagnols, m'attendait. Et quand je sors de la loge, il vient et il fait « Ah, putain, me dit Villanova, tu nous as régalé, tu... Oh là là, que rigolada, hein. 2 heures, hein, tu as fait 2 heures, hein, bon. Et j'ai mal là. Et ma mère, il t'avait jamais vu, ma mère, il s'est régalé. Et je vais te dire une chose, Villanova, hein. Et quand tu fais l'espagnol, c'est que ils parlent comme ça, ils se rendent pas compte, hein. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que qu'à merder, quoi. Il n'est pas venu. Il est au 6e degré. Non. Il parle encore à ça, il ne se rend pas compte. Il est le premier. Ils sont bien en question. Y mira, Daniel, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú fais l'espagnol, yo fermo les yeux y yo creo entendre a mon père. Père, mais pas lui. Parce que c'est vrai qu'on ne s'entend pas, en fait. On ne s'entend pas. Quand vous écoutez un enregistrement au téléphone sur un répondeur, vous dites, mais c'est pas ma voix. La voix qu'on entend de l'intérieur et la voix qui est reçue n'est pas du tout la même. Quand on essaye de chanter aussi. Quand on essaie de chanter, on se rend compte des fois qu'on aurait mieux fait de la vermeur et de l'ouvrir. Alors, pour vous donner une idée, puisque la soirée était autour de la trilogie, bon, on l'a débordé, mais peu importe. Hein. Je peux vous donner quelques petits extraits, vous donner le ton. Donc, le premier de ces textes, c'est Jean-Charles le Président. Comme je vous le disais, c'est un texte qui m'a valu une déprogrammation au Festival d'humour du Cap d'Agde. On m'a dit que le public en avait assez des comiques qui s'occupaient de politique. Alors, le fait est que, comme on avait déprogrammé, avec Carmen, nous avons produit le même jour. C'était la veille du premier tour. C'était la veille du premier tour des élections au Sarkozy-Hollande. Donc nous avons loué une salle à Béziers qui s'appelle Zingo Zango, qui fait 1200 personnes, et nous l'avons remplie. Et donc c'est pour ça que dans le DVD, je dis aux gens, il y a des choses que je ne comprends pas, moi, dans notre région. Hein. À Agde, ils ne veulent pas entendre parler politique, et je viens ici, vous êtes 1200. Bon. Donc, effectivement, ils ont eu raison, je pense, de ne pas me prendre, hein, parce qu'ils n'auraient pas été contents. Ça m'a valu aussi la brouille avec le Lions Club de Sète, qui avait l'habitude de me prendre les spectacles, parce qu'on remplissait avec eux le théâtre Molière de Sète, qui fait 1000 places. Donc, tous les ans, hein, c'était évidemment avec la première noire. Mais après ce spectacle-là, Jean Lucet arrive, donc ce spectacle est écrit en 2012, évidemment, à la fin du règne de Sarkozy. Lucet arrive sur la scène, et la scène s'éclaire, et le spectacle commence comme ça. Oh, et merde, pour qui je vais voter, ça ne vous regarde pas, pour personne je vais voter. Pour qui vous voulez que je vote, je suis de gauche. Ah, si j'étais de droite, j'aurais que l'embarras du choix. Tandis qu'à gauche, ben, quand il est, on est tranquille, l'avenue est déserte. On regarde quand même avant de traverser, des fois qu'il y en aurait un qu'on n'aurait pas vu. C'est sûr de ne pas se faire renverser bêtement. Des hommes politiques de gauche, il en passe un par siècle, dans les bonnes périodes, alors ça serait couillon de se trouver au milieu juste à ce moment-là. Surtout qu'à la vitesse où ils vont et de la façon dont les vents tournent aujourd'hui, tu n'as pas plutôt vu un homme politique à ta gauche que il est à ta droite. C'est des comètes, ça. Le temps de lever la tête, tu vois plus que la queue. Comme toujours, ça ne change pas. Les uns trop et les autres pas assez. Enfin, messieurs, dames, je dis ça, mais c'est que mon avis personnel. Hein. Et les avis, vous le savez comme moi, c'est comme les trous du cul. Chacun a le sien. Surtout, ne le prenez pas mal, même si vous êtes de gauche. Hein. Moi, j'ai mon franc-parler. Voilà, c'est tout. Écoute, hein. Et même aux socialistes de Bourougnan, hein, quand ils distribuent leur tracts le dimanche matin au marché, je leur dis le fin fond de ma pensée. Ah, mais je ne me gêne pas, je leur dis. Je dis, vous critiquez Sarkozy, hein, mais vous avez la mémoire courte comme les manches d'un Marcel. Vous aussi, quand vous étiez aux manettes, vous nous avez bien emberlucoqué avec votre robe de Maastricht. Hein, vous croyez qu'on a oublié? On en a marre, nous, de changer les mêmes pour les mêmes. Les socialistes, ils voudraient nous faire croire qu'ils y sont pour rien dans ce qui se passe maintenant. Que si on bazarde de la droite et qu'on les remet en selle à eux, tout ira mieux. Aïe, cavale. C'est pas le cavalier qu'il faut changer, c'est le cheval. Et on attrape plus facilement un menteur qu'un boiteux. Il reste bête. Oh, et peu cher, qu'est-ce que tu veux, ce que distribuent les tracts du Parti Socialiste sur le marché, c'est pas de leur faute non plus, ils savent pas, c'est des gens simples, comme vous et moi. Eux, on leur dit qu'ils sont de gauche, ils le croient. Et les pires, c'est pas eux, bien sûr. Eux, ils croient bien faire. Les pires, c'est ceux qui en mangent dans la politique. Tous ces présidents, ces députés, ces sénateurs, toute cette quincaillerie politique, là, quand je les vois débarquer sur le marché le dimanche matin, avec le sourire de la propagande électorale sur les lèvres, j'ai la main qui me démange de leur foutre mon pied au cul. Ils te parlent de changer le monde, tu vois des placements en bourse et des polices d'assurance lancées autour de leur tête. Comment tu veux changer le monde avec ça? La seule réunion qu'ils ont fait au village, les socialistes, c'est il y a 2 ans pour l'année de l'Afrique. Ils ont organisé une conférence sur les droits des peuples à disposer d'un livret A. Alors que moi, je vois autour de moi, la plupart des jeunes qui ont un emploi, ils sont payés comme s'ils ne travaillaient pas. Avant, les enfants, ils partaient en excursion. Aujourd'hui, ils partent en exclusion. Et même s'ils ont fait des études, hein, c'est simple. De nos jours, en France, celui qui cherche un premier travail correct, il a 3 façons de s'en sortir. 3. Par terre, par mer ou par les airs. Ah, mais moi, je veux leur dire, hein, tout ça aux encravatés. Hein. Ils me font pas peur. Hein. Quand j'étais jeune, hein, j'ai travaillé pendant quelques années comme apprenti dans un petit atelier chez un opticien ébéniste. On fabriquait des lunettes de chiottes. Alors tu comprends bien que les trous du cul, même élus au suffrage universel, ça m'impressionne pas beaucoup. C'est vrai, on n'arrête pas de se faire avoir de tous les côtés, ma fille. Parce que de la richesse, il y en a. De plus en plus même, il y en a. Mais c'est jamais pour nous, le pauvre monde. Comme disait mon père, nous les pauvres, qu'on soit d'Europe, d'Afrique ou d'Asie, on se retrouve toujours avec une fourchette à la main quand il pleut de la soupe. Oh, mais il faut pas non plus désespérer, monsieur, dame. Non, papa, il disait aussi, mon père, papa. Il disait aussi, tant qu'on n'a pas la tête tranchée, on peut toujours garder l'espoir de porter un jour le chapeau. Ça, c'est l'introduction de... Donc, le spectacle commence comme ça. Après, Jean-Charles arrive et Lucette explique que, à ce moment-là, les indignés, parce qu'on parlait aussi beaucoup des indignés à cette époque-là, les indignés de Bourgnan occupent la place du village. Et comme aucun des candidats qu'on leur propose ne leur convient, ils décident de présenter le leur. Et le leur, ce sera ce fameux Jean-Charles, qui est une espèce d'anarchiste. Disons, un peu je m'en foutiste, très léger. Comment le définir? C'est un esprit follet, quoi. C'est une espèce d'esprit insaisissable, mais qui sabre tout ce qui se présente devant lui. Qui a des formules incroyables, des réflexions. Saugrenue, mais qui casse complètement tout ce qui est autorité, que ce soit autorité morale, autorité policière, etc. C'est quelqu'un de très très libre, aussi libre que le mec qui jouait du piano debout, là. Ça n'a rien à voir, en plus. Et donc, il arrive, donc lui, on lui dit... Bien sûr, tu peux faire un bon président, mais personne ne te connaît en France. Donc il faut que tu passes à la télévision, il faut que tu fasses au moins une apparition à la télévision. Lui, il dit, il n'y a pas de problème, je vais la faire l'apparition, n'inquiétez pas, il veut une apparition, je vais la faire apparition. Et il va faire apparaître, vous le verrez, sur le village, un personnage qui est un ange, un vrai ange, un plume, qui va se poser sur le toit de l'église et qui va devenir son complice. Donc toute l'histoire, c'est comment Jean-Charles, à travers cet ange, va pouvoir donc démasquer un petit peu et Sarkozy et Hollande et Marine Le Pen et leur régler leur compte. Alors la manière dont ils leur règlent leur compte, c'est là, je crois. Il les réunit dans l'église, vous verrez, il y a plusieurs péripéties. Il arrive à les faire rentrer dans l'église un par un, parce qu'il arrive, lui, à représenter 99% d'intentions de vote, et les autres candidats, à eux tous, 1%. Donc tous viennent se précipiter pour s'entendre avec lui. Et donc ils sont tous à Montrougnan, là, sur la place, qui piétinent, et lui, il les reçoit dans l'église. Et le premier qui fait rentrer, c'est Sarkozy. Alors il dit... merci, bon, les autres l'applaudissent. Merci, il faut l'atteindre. Bon, allez, le professeur Jean-Charles est arrivé, les consultations vont commencer. Préparez vos cartes vitales, il est où le premier malade là? Il est où Sarkozy? Alors la fille de Pen dit, il est dans l'église, il est dedans. Comme son père, hein, dès qu'il faut dénoncer, ils sont là. Hein. Et j'aurais pas aimé être leur voisin sous l'occupation, je te le dis. Je rentre dans l'église, et effectivement, il était déjà là, le Sarko, avec toute sa bande de collaborateurs, là. Sur le coup, je me suis recrue au musée d'art moderne, donc. Que des tâches. J'ai failli demander le catalogue, bon. Alors, dès qu'il me voit, le père Sarko, il vient vers moi, en me tendant la main, tu sais, comme il fait, là, quand il est avec quelqu'un d'important, et il se rabougrit encore plus, on aurait dit un haricot qui avait trempé pendant 48 heures. Et moi, je lui dis, stop, ne commençons pas, il n'y a pas de familiarité. On commence par se serrer la main et on finit par coucher ensemble. Et je ne m'appelle pas Bernard Thibault, moi. Bernard Thibault était à l'époque président de la CGT. Maintenant, je dirais, je ne m'appelle pas Martinez. Alors, il me dit, mais je peux quand même vous présenter mon équipe. Oui, c'est ça, il présente-moi ta bande, mais de loin, pas de contact. Alors, il me présente tout son cheptel, là, alors des chargés de pouvoir, des directeurs de cabinet, des conseillers par-ci, des conseillers par-là, des secrétaires, des sous-secrétaires, je sais moi, des attachés. Alors là, à cela, je leur ai dit, vous êtes attaché à Sarkozy, eh bien, c'est pas moi qui vais vous plaindre. Donc, si on vous a attaché à lui, c'est que vous avez dû faire une grosse connerie. Attends, on ne t'attache pas à un mec comme Sarkozy, c'est que rien fait de mal. On va venir me raconter une histoire. Et le coup, il y en a un qui vient vers moi, il dit, monsieur Jean-Charles, je tiens absolument à vous saluer, je travaille en cheville avec le président. Ah, il y a une cheville, vous êtes juste au-dessus de la talonnette, alors. Il dit, non, je suis consultant. Consultant? Wow! Et alors là, à toi, collègue, je te serre la main. C'est la première fois que je croise un sultan. Je ne sais pas dans quelle proportion fait l'un et fait l'autre. Un deuxième étage à ton président, j'aurais eu plus d'allure. Et à mon tour, je me présente. Hein. La politesse, toujours. Normal, hein. Jean-Charles, candidat des indignés de Bourguignon et du reste du monde, et accessoirement, président de la FLAG, la Fédération Locale des Alcooliques de Gauche. Je ne connaissais pas. Moi non plus, je venais d'alimenter. Mais c'était pour dire quelque chose, pour avoir un titre moi aussi, tu vois. Je ne voulais pas avoir l'air moins con que les autres. Parce que dans une réunion politique, si tu as l'air moins con que les autres, tout le monde vient de parler à toi, et au bout du compte, tu finis aussi con qu'eux. Dans les groupes politiques, c'est comme dans les grappes de raisin, tu sais, c'est jamais le bon grain qui guérit le pourri, c'est toujours le contraire. Bref, je te dis, un monde dans cette église, en plus, 12 gardes du corps, 12 masses classes, pour protéger un petit truc comme ça. Le con, mais c'est pas possible, il y en a un pour chaque centimètre. Il le place, les gosses, et puis il fallait les voir, hein. Il ne quittait pas d'un pas leur président, hein. Ça c'est de la protection rapprochée, facho de conne. Dès qu'il faisait un pas, il les avait au cul. J'ai dit à sa cousine, putain, c'est pas des hommes que tu as là, c'est des hémorroïdes. Et quand j'ai dit ça, je te jure, si j'avais pu me pulvériser, les mecs, ils l'auraient fait. Le coup des hémorroïdes, ça leur a pas plu. Ils m'ont jeté un regard, les gosses, que heureusement, je me suis baissé à temps. Parce que dans le mur derrière moi, ça a fait des trous comme à courir. C'était les hémorroïdes de Blanquet d'Équerre. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais du mal à le croire, mais maintenant, je suis le premier à le dire. Hein. La police française, c'est la meilleure de France. Prenez le temps. Hein. C'est pas pour rien que Michel Alliot-Marie, vous vous souvenez, le même Michel Alliot-Marie, qu'on croyait qu'elle était ministre des Affaires étrangères, hein, alors qu'en fait, elle était ministre de ses Affaires à l'étranger. Les copines avaient Sarkozy et avaient Ben Ali. Alors, quand elle a vu que le pauvre, il s'en sortait pas, Ben Ali, avec ses manifestants au printemps dernier, là, elle lui a téléphoné à Ben Ali, elle lui a dit « Allô, Ben, c'est Michou, t'inquiète pas, si tes flics ne s'en sortent pas, je vais t'envoyer les flics français, avec eux, ça va être vite réglé. » Parce que c'était du vrai, elle avait proposé la voie de flics français pour l'aider à mater les rébellions en Tunisie. Donc je vais... Avec eux, ça va être vite réglé. Et vu comme ils aiment taper sur les étrangers, chez toi, ils vont se régaler, il n'y a que ça. 2000 pages, je te les envoie, mes robocops. Tu parles si les flics français, ils étaient contents quand on leur a annoncé ça. Ils s'entraînaient à la cantine en tapant sur les noix de coco. Tu vas voir qu'en Tunisie, il n'y aura pas que les chameaux qui auront des bourses. Mais bon, finalement... Ça n'a pas pu se faire, cet échange culturel. Mais c'est dommage, hein. Pour une fois qu'on pouvait exporter notre savoir-faire mal. Il faut dire que là, cette affaire, il faut être honnête, hein. Elle n'a pas eu de chance, chirurgicalement. Elle n'a pas eu de chance. Elle s'est trouvée à l'aéroport de Tunis-Carthage, hein, en plein au milieu des grèves. Mais elle ne le savait pas, elle, hein, qu'il y avait des grèves. Hein. Elle habite en France, elle ne sait pas ce que c'est, elle, une grève. Tous les avions cloués au sol, du coup, elle se retrouvait comme on se retrouve quand on voyage et qu'il y a des grèves dans les transports. Comment on se retrouve quand on voyage et qu'il y a des grèves dans les transports? On est pris à... Donc, à... Alors non, il a été vers le téléphone, bordel. Mais au courant. Elle s'est retrouvée prise en otage par les grévistes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est pris en otage par des grévistes dans un aéroport? Eh ben, elle a fait ce que tu aurais fait, et toi, ce qu'on aurait tous fait dans un cas pareil. Elle s'est mise au bord de la piste et elle a fait du stop. Et là, manque de chance, à ce moment-là, un type brave, mais brave, qui n'en pouvait plus d'être brave, ce mec, et il est passé dans un petit avion juste au-dessus de l'aéroport. Parce qu'il faut dire que... C'est la réalité, elle avait été bloquée par les grèves à l'aéroport de Tunis, et c'était un homme d'affaires tunisien, grand ami de Ben Ali, qui était venu la chercher avec son jet privé pour l'amener à une réunion d'affaires. C'est pour ça qu'elle dit à un moment donné, elle était ministre de ses affaires à l'étranger. Elle venait en fait gérer, elle était mandatée par son père, qui est une fortune aussi. Parce qu'ils avaient, la famille avait des intérêts en Tunisie, ils venaient sur une réunion d'affaires privées. Mmh. Et elle venait en tant que ministre. Hein. Donc ce mec-là, avait, c'est historique ça. Hein, c'est, à l'époque où je le jouais, tous les gens avaient ça en mémoire. Hein. Et ce type est passé dans un petit avion juste au-dessus de l'aéroport, en voyant cette pauvre femme qui faisait du stop. Et écoutant que son bon cœur, il a fait demi-tour, il a atterri, il lui a demandé, il a dit, qu'est-ce que vous faites là, ma pauvre femme? Alors elle lui a expliqué, il a dit, je suis française, je suis prise en otage par les grévistes. Et lui, gentil, mais gentil, un cœur gros comme ça, de suite, il a dit, voyons madame, je ne vais pas vous laisser comme ça, peu cher, je vous en prie, montez dans mon jet privé. Vous auriez fait pareil. Elle est montée. Voilà. Et après, il s'est avéré que ce mec, c'était un gros homme d'affaires, bien copain avec Ben Ali. Mais elle ne le savait pas. C'était pas écrit sur son front. Hein. Mais bon, en France, vous savez comment sont les gens, ils font le mal partout. Ça a commencé à changer. Et finalement, Michel Alliot-Marie, elle a été virée. Et maintenant, comme tous les autres chameaux, elle fait sa traversée du désert. Comme j'ai dit à un collègue, si je traverse le désert, on n'aurait pas tardé à l'avoir débarqué au Cap d'Agde. Pour peu que le maire UMP veuille la monter, il y a de la reproduction dans l'air. Une mourique croisée avec un chameau, ça va donner. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur Michel Alliot-Marie, surtout sur elle. Ah non, attends, tu as vu la tronche qu'elle a, la boutesse. Elle a l'air aimable comme une mousse d'âne. Hein. En plus, elle va être parfumée comme un bidet, là. C'est remède contre l'amour, ça. Hein. Et ils auraient dû la refiler à Strauss-Kahn quand il était à New York. Ça lui aurait calmé les ardeurs à King Kong. Ah, moi, je vous le dis franchement, hein, si je me retrouve sur une île déserte en plein milieu de l'océan avec une vilaine comme ça, et je ne dure pas deux jours. Hein, je te fous une rame de chaque côté de l'île et je la rattache vite fait au continent, moi, l'île déserte. Hein. Ça, c'est comme l'autre, là, comme ça s'appelle, Christine Lagarde, c'est là aussi. Quoi. Il n'est plus à sa place au FMI qu'au Collège de France, je te le dis. Hein. Nous avons dans nos bibliothèques assez de livres pour en parler pendant des siècles à venir. Là, je cite vraiment une phrase prononcée par Michel Alliot-Marie à l'Assemblée nationale. Nous avons dans nos bibliothèques assez de livres pour en parler pendant des siècles à venir. C'est pour cela que je vous dis, pensez moins et travaillez plus. Elle a dit ça, oh. Pensez moins et travaillez plus. Traduction, soyez un peuple de bœufs et tout ira bien. Oh. Ah, mais attends, mais c'est pas au cul qu'elle a les hémorroïdes, c'est au cerveau. Oh. C'est pour ça qu'elle peine pour pas essayer. Quand elle essaye, on le voit, elle souffre, elle souffre. C'est des bourgeoisas, c'est ça, ils sont là comme des pintades. Je sais pas vous, mais moi, elle me fait peur, Christine Lagarde. Hein. Ah, mais c'est grand de dents, là. Oui, je sais, bon, c'est pas bien de se moquer du physique des gens. Hein. Des grammes de dents comme ça, c'est pas physique, c'est psychosomatique. C'est à force de nager dans la finance, elle a plus les dents dans la bouche, et elle les a autour des yeux. C'est vrai, elle ne te regarde pas, cette femme, elle te mord. Et voilà, donc, en plus, bon, regarde, rencontre Borloo qui venait justement de donner des permis pour le gaz de schiste. Je pense que tu suis l'actualité quand même. Donc, oui, je suis d'accord. Donc, vous voyez un peu la teneur de cet humour qu'on peut appeler carrément satirique, là, de satire politique. Quoi. Ça, c'est vraiment le pamphlet. C'est vrai, ça tient vraiment du pamphlet. Dans le, donc, évidemment, Jean-Charles triomphe. Hein. À la fin, il dit quand même, bon, il met Sarkozy sous cloche, puisqu'il s'est engagé à les mettre tous sous cloche. Donc, bon, à la fin de la scène, il y a, dans un grand fracas de poussière qui envahit toute la scène, quand la lumière se fait, il y a une grande cloche où il a enfermé Sarkozy. Et il dit, bon ben voilà, lui c'est fait, au suivant, il va à la porte de l'église, au suivant, et puis il dit, non, Madame Le Pen, pas vous, il vous faudra entendre 5 ans que M. Hollande vous prépare le terrain, M. Hollande. Je me suis trompé de 5 ans, il a fallu 5 ans de plus avec Macron, en fait disons que Hollande vient de préparer le terrain. Et voilà. Tu t'attaques à Macron. Oui, c'est vrai, que, mais il me faut le temps. Ouais, il faut le temps du travail. Quand tu es intervenu pour les Gilets jaunes, tu as fait des sketchs habituels ou tu as fait un truc adapté? Non, j'ai fait un truc adapté sur les Gilets jaunes, notamment sur les... j'ai fait un sketch qui est dans mon dernier spectacle, qui s'appelle 7 jours sur 7, qui est un sketch sur le libéralisme. Alors, je ne me suis pas attaqué directement sur l'idée d'actualité que le libéralisme est la seule voie. Donc là, il dit, c'est toi qui dis, parce que Lucette va avec sa cousine acheter du poisson, la poissonnière connaissant sa cousine, ce qu'elle pense, lui lance une pique sur Macron. Alors, ma cousine, Solange, elle dit ne me parle pas de celui-là. Hein. Laisse-le où il est. Hein. Ils auraient mieux fait d'élire Alibaba. Au moins, on n'aurait eu que 40 voleurs. Un type, il était dans la file d'attente, là. J'entends ça. et qui dit, oh, ne dites pas ça, Madame Solange, ne dites pas ça, il a raison, Macron, il a raison, il faut que chaque Français augmente sa start-up. C'est comme ça que ça sortira la France. Hein. Et moi, je suis comme lui, je suis pour le tout libéral, mais tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai monté ma propre start-up sur 7. Hein. Monter le SARL de gendarmerie, une brigade privée, avec un collègue, Pascal Lou, on est allé aux enchères à Montpellier, on a acheté le 4L de la poste, là, il y a 300 euros, on s'est pas ruiné. Hein. On a repeinté en bleu, avec une bombe qu'on a toujours avec au bazar, là. Et avec des lettres qui collent, tu sais, on a mis, encore à 4L, c'est pas grave. On a mis sur les portières en droite, là, gendarme, sur les portières en gauche, mairie, devant Libé et sur le coffre, RAL. Ah là, tu fais le tour, tu le lis. Et on s'est mis au carrefour du 5K, sur la 113. Là, ça débite. Hein. Mais regardez, franchement, hein, on a fait figuette. Hein. On a fait figuette. Un petit clara. Merci, Bascalou, il est trop gentil. Tu arrêtes la bagnole et il y va. Bonsoir, monsieur, dame. Il fait chaud à vous. Si vous allez à la plage, mettez la pommade. Bon, il se présente à la gendarmerie libérale. On n'a pas encore le numéro Sirette, mais le CPC de la demande de dossier. Est-ce que vous pourriez me présenter les papiers du véhicule si vous les avez sur vous et si ça ne vous fait pas trop de dérangement? Oh, tu parles, hein, demandez comme ça. Même toi, tu es droit de répondre. Ah non, mais faut voir ce qu'on a entendu. Faut voir, hein, qu'est-ce que c'est ces conneries. Vous n'avez pas autre chose à foutre, là, de tout. Là. Alors, tiens, reste assis. Assieds-toi, assieds-toi. Il y en a un voisin, en me regardant dans les yeux, tu sais ce qu'il m'a dit, le voisin. Monsieur, il me dit, je travaille, moi, comme si moi, il m'a misé, comme si j'avais pas une start-up à faire un tourneur. Non, ils sont conscients, les gens. Les gens, ils réalisent pas. Ils sont des conscients, ils sont, moi, ils flottent. Et surtout, ils réalisent pas la chance qu'ils ont de tomber sur nous. Parce que je vais te dire, au niveau des tarifs des APV, on est ultra concurrentiel. Tu peux chercher partout, tu ne trouveras pas moins cher. Et si tu trouves moins cher, la différence. Tu prends par exemple des faux de permis. Bon, ça peut arriver. Tu n'es pas là, bon, non, hein, tu n'auras pas pu quand tu n'as pas un permis. Ça arrive. Normalement, c'est 800 euros. Ah, okay. Et si tu ne payes pas dans les 45 jours, ça peut monter à 1400 et même 1600 euros. Tu retiens ce chiffre, hein, 1600. Bon. Nous, dans le tri, hein, on est à 600. Sans sortir de ta bagnole, tu as gagné 200 euros. Et si c'est la première fois qu'on te chope, il y a des chances que ce soit la première fois qu'on débute. Eh bien, tu as une ristourne de bienvenue de 7%. Je vais tomber un peu dans 570 euros. Et attends, c'est pas fini. Hein. Si tu nous payes de suite, il y a un liquide. Tu as 10%. Sur chaque prune, tu gagnes 280 euros. Oh, franchement, ils sont mieux à ta poche qu'à la mienne. Hein. 280 euros. Après, au bout de 10 prunes, tu as le droit de passer ton permis. Qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, On te voit arriver à une fourgonnette hein, de la gendarmerie nationale. Hein. Concurrence. Hein. Ils n'étaient pas contents de nous voir. Les gendarmes, tu sais, et tu libéralises autour, tu privatises autour, ils ne trouvent rien à redire. Là, tu privatises l'hôpital, c'est très bien, tu privatises les écoles, là, tu privatises les aéroports, tu privatises les trains, et là, ils sont d'accord. Mais eux, il ne faut pas y toucher, là, c'est pas bon ça. Hein. Bon, eux, ils restent fonctionnaires. Là, hein. Là, c'est tout le monde ou c'est personne. Hein. Alors le mec, il arrive, hein, capitaine, hein, il descend de sa fourgonnette, hein, et il nous crie, « Vos papiers !» Ah, j'ai dit, parce que vous dites, tu vois comment il faut faire, hein, capitaine ?» Refais-le lui. « Vos papiers, Gourmio, merci collègue. C'est ça, le libéralisme, hein, c'est la solidarité entrepreneuriale, hein. Comme il a dit, Macron a été vision de Macron était devenu, la solidarité entrepreneuriale. Hier, j'ai dit, collègue, laisse-moi ta carte, hier, hein, dès que je me développe, je t'embauche. Il me dit, mon Dieu, nous faut, j'ai dit, peut-être un peu, il nous faut visiter les locaux. C'est beau. C'est ça le libéralisme, hein. Alors, tu rentres dedans, des sièges, hein, des fauteuils, des téléphones, hein, des tablettes, on voit que tu factures, hein, fort. Hein, et ça marche bien pour toi, mais je suis content. Il n'y a pas de jalousie, le libéralisme. Regarde bien, c'est ça le libéralisme. Avec le libéralisme, le premier couillon venu comme lui peut se faire les couilles en or. Voilà, donc je crois que si vous en avez assez, on peut s'arrêter là. Et vous avez un peu une petite idée de quelle heure est-il ? 9h30. On cause, on s'en lasse pas. Hein. Personne n'est parti. Il fait 2 heures. Je vais vous libérer. Merci en tout cas de m'avoir supporté. Bel aperçu de ce que fait Daniel, donc je vous engage à regarder le site internet et vous avez ces dates. Alors des fois, c'est pas trop loin, hein, c'est peut-être vers Tarascon, je sais pas où. Oui, dans le Vaucluse, c'est Orange. Et puis. À Orange aussi Orange. Disons la romaine. Béziers non plus. Je crois que Béziers nous ont contactés. Il y a des salles indépendantes quand même, peut-être. Oui, tout à fait. Mais j'y suis passé avec des associations antiracistes, etc. Ouais. Mais pas dans des salles municipales. Ouais. Bien qu'ils nous ont invités, évidemment, un an après l'élection de Ménard, ouais. Ils nous ont invités à être programmés au théâtre de Béziers. Chose qu'on n'a pas acceptée pour la simple raison que. C'est pas que l'argent n'est pas à Ménard, évidemment, il est au Viterrois. Mais ça aurait été. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre à ceux qui passent de ce genre d'endroit. Mais pour ma part, je n'y passe pas parce que, bien sûr, c'est ne rien de voir à Ménard, encore que tu t'exposes. Parce qu'à la fin du spectacle, hein, tu te retrouves avec lui dans un couloir, qui te serre la main, qui dit tac-tac, les photos, c'est arrivé. Ouais. Pas à moi, mais. Et donc, voilà, tout simplement parce que c'était une occasion. Pourquoi m'invitait-il ? Parce que c'était une occasion pour lui de dire, vous voyez, on n'est pas si terrible que ça, puisqu'on invite quelqu'un dont on sait très bien qu'il n'y a pas de notre bord. Et moi, j'ai pas. Quand même, on était d'accord dessus, on n'a pas voulu jouer, entrer dans ce jeu. À un moment, je croyais que tu étais gendarme. Et là, j'ai raté le concours. Alors, je suis devenu comique. Voilà. Merci en tout cas, et merci à toi de faire le soir. Donc, n'hésitez pas à sauter sur le livre très rare. Ouais. Je suis avec Jackie, la petite. Et selon notre habitude, on continue avec un petit verre à la main. La discussion continuera autour d'un pot à côté.